Chapitre 5e, Raphaël. La Rome chrétienne avait signé une paix inattendue avec le génie païen. L'astre de la Renaissance était salué par tous les savants avec les plus beaux vers de l'Antiquité grecque et latine. Ce sol italien où le pied se heurte à tant de ruines, où des siècles malheureux avaient fait pousser entre ces ruines la livrée et la ronce, ce sol italien semblait tressaillir au feu de l'astre nouveau qui se levait enfin à l'horizon des lettres ressuscitées. Après cette nuit noire du Moyen-Âge, après le chaos et la confusion des peuples qui se fusionnent et s'agglomèrent, l'œuvre moderne allait commencer. Quelle ivresse saisit tous les esprits. On voyait l'abîme des âges enfin comblé. Des mains pieuses recueillaient les épaves de l'Antiquité naufragée. C'était par l'art la résurrection complète du génie païen. Les portes de l'Olympe se rouvrirent et roulèrent avec un bruit harmonieux sur leurs gonds d'or. L'imagination, jusqu'alors ascétique et nourrie de mystiques allégories, l'imagination à laquelle Dante n'avait jeté, au milieu du large banquet chrétien qu'il adressait dans son poème, que quelques miettes du festin servi par Homère et par Virgile, l'imagination assombrie par les cloîtres, par les arceaux des cathédrales, regagna de nouveau à tire d'aile ce ciel de la Grèce, où Vénus faisait pleuvoir les roses et creusait le sillon embaumé de son char. Constantinople, en tombant, envoya tant de splendeur dans les pays d'Occident que les peuples en furent comme éblouis. Ils s'emparèrent avec ardeur de ces trésors nouveaux qui leur étaient livrés, et cette chute, qui devait marquer une date fatale, commença une ère nouvelle, qui fut pour l'humanité un des grands siècles dont elle s'enorgueillit. L'art chrétien dont Giotto, Orcagna, Cimabue, Perugino s'étaient inspirés ne cédait pas sa place à son rival ressuscité. Mais les deux arts s'entendaient pour achever la décoration monumentale de cette Italie qui, sur son front séculaire, porte une double couronne parce que deux fois elle a été la reine de l'intelligence sous Auguste et sous Léon X. Et l'on se mit de toutes parts à l'œuvre. On taillait le marbre, on broyait les couleurs, on arrachait par des fouilles savantes à la terre les trésors artistiques qu'elle renfermait. On expliquait Platon à Florence, on remettait sur la poésie latine les vives couleurs d'Horace et de Virgile, on refaisait le monde ancien, en même temps que Michel-Ange posait la dernière pierre, achevait la coupole du plus beau temple chrétien. L'art heureux et confiant allait où le poussait son caprice. On ne lui disait pas « Sois chrétien » ou bien « Sois païen » avant tout. On l'admirait autant quand il dessinait une madone que lorsqu'il peignait une nymphe arcadienne. Les cœurs s'ouvraient à toutes les émotions, qu'elles lui vinssent de l'église ou du Parthénon. On voulait, avant tout, jouir de tout ce qu'il sait faire, de tout ce qu'il peut faire. On sortait païen de l'atelier où Raphaël, de la même main qui peignit l'éloge et la transfiguration, peignait le triomphe de Galatée, et l'on redevenait chrétien sous la coupole de Saint-Pierre. L'art était aussi une chose sacrée. Tout ce qu'il demandait, il l'obtenait. On adorait ses fantaisies, on les respectait. J'en trouve une preuve dans cet épisode de la vie de Raphaël. Le pape, se dit le grand peintre, longtemps après être rentré chez lui, le pape aura bien raison de l'entêtement de ce maudit Gaffarelli. Pour quiconque a étudié le caractère de Raphaël, cette obstination de l'artiste à poursuivre un modèle s'explique aisément. Il apportait là toute l'ardeur, toute la fougue de sa double passion. L'amour de l'art était stimulé en lui par un autre amour plus profane. Et quand on le voit rechercher ainsi la fille de Gaffarelli, on comprend tout le feu qu'il mettait dans sa poursuite, car l'objet de ses désirs était la célèbre Fornarina. En effet, rien ne peut rendre l'impression que cette jeune romaine, dans tout l'éclat de ses 15 années, à ce moment de floraison amoureuse si attrayant, avait fait sur le cœur de Raphaël. Cette jeune fille lui causa tout à coup ce trouble profond, immense, auquel une passion énergique se fait reconnaître. Le dépit que le refus du père donna à Raphaël ne provenait pas seulement d'un amour contrarié, mais aussi et surtout, malgré l'intensité d'une flamme agrandie par la seconde entrevue de Stella, du tort que les scrupules de Gaffarelli faisaient à l'art. L'art était la religion suprême de Raphaël, sa seule religion. Il y rapportait tout, sa vie, ses joies, ses douleurs. Il faisait converger vers son Argérie toutes les passions, passions de renommée, passions d'amour qui l'embrasaient. Le ciel dont il admirait les profondeurs azurées, ces grandes lignes de l'horizon romain dont il contemplait les splendeurs, ces fêtes populaires et chrétiennes qui déployaient devant lui leur touchant éclat, les chefs-d'œuvre du génie antique, ceux du génie moderne, les statues, les toiles de ses rivaux, ses tableaux, ses fresques, ses émotions. Il faisait tout tourner, la création de Dieu comme la création de l'homme, au profit de l'art, et sur toutes ces émotions qui lui venaient des magnificences du monde extérieur, planait l'amour, s'élevait la beauté triomphante de la femme, admirable couronnement de l'édifice sublime de ses pensées. Et Raphaël n'était pas seul ainsi dans ses grands jours. Tous les autres, ses contemporains et rivaux, brûlaient des mêmes flammes, des mêmes ardeurs. Qui sait, si ce n'est point à ces passions sublimes, que ce siècle a dû d'être grand entre tous, et de rester encore pour nous le point de départ d'une grande ère. Or, un chef-d'œuvre de plus allait échoir à Raphaël de la beauté fulgurante de Stella. Le divin peintre l'avait compris. L'art ne faisait-il pas la trame de toutes ses pensées, et ne s'associait-il pas à toutes ses émotions? Il l'avait compris au moment même où son cœur fut remué, comme il ne l'avait jamais été, double profit pour cette âme grandement avide. Il aimait, et la femme restait toujours son inspiratrice. Il le sentit avec la fièvre qui s'alluma dans son sang, avec l'ivresse qui s'empara de sa tête. Il le sentit au doux aspect de cette belle enfant qui versa sur lui l'enchantement de son sourire, qui déploya à ses yeux toute l'irradiation de sa beauté. Il vit, le grand peintre, que non seulement son triomphe de Galatée serait aussi le triomphe de l'art, mais que nulle femme n'aurait jamais autant inspiré son génie que le faisait cette délicieuse enfant au long et victorieux regard d'amour. Tenir la palette et méditer l'œuvre à côté d'elle, introduire à la fois dans son atelier l'éclat du ciel olympien et le rayonnement de Stella, la voir au moment où la main hésite, où la tête se refroidit, et comprendre à l'ardeur qui s'empare de l'une, à la chaleur qui ranime l'autre, que ce transport dont l'art profite, que cette exaltation agrandie par la vue d'une charmante tête de jeune fille qui s'était penchée, d'un de ses sourires où passait le ciel, n'était-ce pas là le comble du bonheur pour l'artiste souverain? Et ne fallait-il pas à tout prix que sa passion d'amoureux et de peintre l'emportât sur les terreurs paternelles du dévot Gaffarelli?